Fabio, Mazzetto, les précédents. Fabio entraînant Mazzetto. Tenez, c'est le ciel qui nous l'amène. Voilà le traître qui s'est joué de moi. Marcelli. C'est Mazzetto, le plus grand fripon des deux Siciles. Quoi, c'était aussi votre messager? Mazzetto. Oh diable, vous m'étouffez. Fabio, tu vas nous expliquer? Mazzetto. Et que faites-vous ici, seigneur? Je vous croyais en bonne fortune. Fabio. C'est la tienne qui ne vaut rien. Tu vas mourir si tu ne confesses pas toute ta fourberie. Marcelli. Attendez, seigneur Fabio, j'ai aussi des droits à faire valoir sur ces épaules. À un ou deux maintenant. Mazzetto. Messieurs, si vous voulez que je comprenne, ne frapperez pas tous les deux à la fois. De quoi s'agit-il? Fabio. Et de quoi peut-il être question, misérable? Mais l'être, qu'en as-tu fait? Marcelli. Et de quelle façon as-tu compromis l'honneur de la signora Corrida? Mazzetto. Messieurs, l'on pourrait nous entendre. Marcelli. Il n'y a ici que la signora elle-même et nous deux, c'est-à-dire deux hommes qui vont s'entretuer demain à cause d'elle ou à cause de toi. Mazzetto. Permettez, ceci dès lors est grave, et mon humanité me défend de dissimuler davantage. Fabio. Parle. Mazzetto. Au moins remettez vos épées. Fabio. Alors nous prendrons des bâtons. Marcelli. Non, nous devons le ménager s'il dit la vérité tout entière, mais à ce prix-là seulement. Corrida. Son insolence m'indigne au dernier point. Marcelli. Le faut-il assommer avant qu'il ait parlé? Corrida. Non, je veux tout savoir, et que dans une si noire aventure, il ne reste du moins aucun doute sur ma loyauté. Mazzetto. Ma confession est votre panégyrique, madame. Tout Naples connaît l'austérité de votre vie. Or, le seigneur Marcelli, que voilà, était passionnément épris de vous. Il allait jusqu'à promettre de vous offrir son nom si vous vouliez quitter le théâtre. Mais il fallait qu'il pût du moins mettre à vos genoux l'hommage de son cœur. Je ne dis pas de sa fortune. Mais vous en aviez bien pour deux, on le sait, et lui aussi. Marcelli, faquin. Fabio, laissez-le finir. Mazzetto, la délicatesse du motif m'engagea dans son parti. Comme valet du théâtre, il m'était aisé de mettre ses billets sur votre toilette. Les premiers furent brûlés, d'autres laissés ouverts, reçurent un meilleur accueil. Le dernier vous décida à accorder un rendez-vous au seigneur Marcelli, lequel m'en a fort bien récompensé. Marcelli. Mais qui te demande tout ce récit? Fabio. Et moi, traître? Ah, ma double face, comment m'as-tu servi? Mes lettres, les as-tu remises? Quelle est cette femme voilée que tu m'as envoyée tantôt et que tu m'as dit être la signora Corrida elle-même? Mazzetto. Ah, seigneur, qu'eussiez-vous dit de moi? Et quelle idée, madame, en eût-elle pu concevoir? Si je lui avais remis des lettres de deux écritures différentes et des bouquets de deux amoureux? Il faut de l'ordre en toutes choses, et je respecte trop madame pour lui avoir supposé la fantaisie de mener de front deux amours. Cependant, le désespoir du seigneur Fabio, à mon premier refus de le servir, m'avait singulièrement touché. Je le laissai d'abord épancher sa verve en lettres et en sonnets que je feignis de remettre à la signora, supposant que son amour pourrait bien être de ceux qui viennent si fréquemment se brûler les ailes aux flammes de la rampe. Passion d'écolier et de poète, comme nous en avons tant. Mais c'était plus sérieux, car la bourse du seigneur Fabio s'épuisait à fléchir ma résolution vertueuse. Marcelli. En voilà assez. Signora, nous n'avons point à faire, n'est-ce pas, de ces divagations. Corrida. Laissez-le dire, rien ne nous presse, monsieur. Mazzetto. Enfin, j'imaginais que le seigneur Fabio s'était épris par les yeux seulement, puisqu'il n'avait jamais pu réussir à s'approcher de madame, et n'avait jamais entendu sa voix qu'en musique. Il suffisait de lui procurer la satisfaction d'un entretien avec quelques créatures de la taille et de l'air de la signora Corrida. Il faut dire que j'avais déjà remarqué une petite bouquetière qui vend ses fleurs le long de la rue de Tolède, ou devant les cafés de la place du Môle. Quelquefois elle s'arrête un instant et chante des chansonnettes espagnoles avec une voix d'un timbre fort clair. Marcelli. Une bouquetière qui ressemble à la signora? Allons donc. Ne l'aurais-je point aussi remarqué? Mazzetto. Seigneur, elle arrive tout fraîchement par le galion de Sicile et porte encore le costume de son pays. Corrida. Cela n'est pas vraisemblable, assurément. Mazzetto. Demandez au seigneur Fabio si le costume aidant, il n'a pas cru tantôt voir passer madame elle-même. Fabio. Eh bien, cette femme... Mazzetto. Cette femme, seigneur, est celle qui vous attend à la Villa Reale, ou plutôt qui ne vous attend plus. L'heure étant de beaucoup passer. Fabio. Peut-on imaginer de plus noires complications d'intrigue? Marcelli. Mais non, l'aventure est plaisante. Et voyez, la signora elle-même ne peut s'empêcher d'en rire. Allons, beau cavalier, séparons-nous sans rancune, et corrigez-moi ce drôle d'importance. Ou plutôt, tenez, profitez de son idée. La nuée qu'embrassait le Ixion valait bien pour lui la divinité dont elle était l'image. Et je vous crois assez poète pour vous soucier peu des réalités. Bonsoir, seigneur Fabio.